on le retrouve sans vie, au creux des secrets qu'il endort avec lui. Aujourd'hui, le lundi 5 septembre 2000, non le 4 septembre, madame Cournoyer, c'est Sérénal, gagné, Errance Rénaldienne, le lundi à minuit tapant, ou si ça vous mêle, le dimanche à 23h59. Bon, oui, j'ai dit le 5, mais c'est parce que j'ai tellement hâte au 5. Ah, pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire, c'est mon nom d'anniversaire, excusez-moi, c'est mon nom d'anniversaire, et c'est l'anniversaire, le véritable anniversaire, de Gaétane Brisebois. La belle Gaétane d'Errance Rénaldienne, tout le monde la connaît. Non. Comment ça qu'il y a perdu? Il y en a deux là, qui hochent la tête. Et les autres, où étiez-vous pendant toutes ces 18 années et demie? Vous écoutiez ces KRL? Puis que faisiez-vous avec Rénald Gagné? Oui. Vous l'avez placé. C'est pas vrai. Pas dans ce dossier-là. À la filière 13. Ah bon? D'accord. Je ne sais pas comment le prendre, mais je le prendrai. Oui, mais sans bacon. Remplacez donc le bacon par du fromage. Merci. Aujourd'hui, le lundi 4 septembre 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! J'ai voulu attendre que le tournoiement médiatique s'arrête pour parler de ma belle Jane Birkin, qui m'a quitté, qui vous a quitté, qui nous a quitté il y a quelques semaines, un dimanche, au même moment, et ça c'est incroyable que l'on n'en ait pas parlé davantage, et même c'est un drame médiatique, mais ça c'est pas le premier drame dans ce milieu-là. On a parlé, de Jane à plusieurs reprises, mais on a oublié d'évoquer la mort d'Henri Tachant, qui lui est décédé à 83 ans, le même jour. Et c'est un auteur, compositeur, interprète qui, comme on dit chez nous, qui vissait dans le plancher. Je rendrai hommage aussi à Henri Tachant au courant des semaines, ne vous en faites pas. Comme aujourd'hui, je m'attarde à Jane Birkin, que j'ai vue en spectacle au Festival d'été à l'époque où c'était agréable d'y aller. Je l'ai enregistré, j'ai filmé le spectacle en deux temps. Elle faisait la deuxième partie. En première partie, c'était Stéphane Escher, l'incontournable Stéphane Escher, et Jane suivait. Et comme je me suis fait arrêter en plein milieu du spectacle numéro 1, donc j'ai poursuivi l'enregistrement le lendemain à l'endroit où la chanson m'avait été coupée, c'est-à-dire 45 minutes après le spectacle. Et donc, j'ai fait 45 minutes après le deuxième soir. Donc, j'ai la totalité du concert, mais en deux jours. Comme on fait à TV, les professionnels, là, font pas ça en une journée, normalement, spectacle-là, hein? Peut-être deux, trois soirs, puis ils gardent les meilleures chansons, mais moi, c'est pas le cas, parce qu'on m'a arrêté. La sécurité m'a dit, mon ami, pas le droit, Jane Birkin est là. Mais c'est un spectacle vivant. Donc, il fallait être là à ce moment, mais moi, j'ai voulu capter ce spectacle incontournable, extraordinaire, que j'ai et que je retrouverai. Mais il faut un lecteur 8 mm Sony, excusez-moi de la marque, là, mais ça n'existe plus. Et moi, j'ai encore la cassette. Moi, je suis sa cassette. Tout le temps était sa cassette. Ah oui. Puis j'aime les 5 cassettes aussi. Pas juste les cassettes, les 5 cassettes. Ah! Mais là, ce soir, nous sommes à cette heure-ci. Mais imaginons-nous dans un petit coin charmant de Paris avec l'anglaise la plus française, Jane Birkin. À toi, ma belle. J'adore. Elle est charmante, cette voix anglaise. Sinon, comment ça va, vous? Oui, attendez, là, il faut que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, OK? Après, on va sur la 6. Merci. Donc, je dis ça à mes amis de l'autre côté de l'aquarium pour qu'ils puissent syntoniser au moment précis la pièce musicale que je vous ai choisie. Oui, oui, je sais, je rime, hein, je suis un poète. Et les poètes, normalement, ça fait pas juste la rimette. Ça, la rimette, là, c'est comme le par... On s'imagine que pour faire de la poésie, faut rimer. Pas du tout. Pas pour Saint-Saëns, même pas 10 cents. Quoique, si tu tournes sur un 10 cents avec un mot, ou une phrase, ou une image, ah ben là, ah là, tu fais partie là, des grands poètes de ce monde. Puis en as-tu des grands poètes de ce monde au Québec, partout dans la francophonie? On peut en nommer quelques-uns rapidement, là, en Abitibi, OK, il y a Richard Desjardins. À Montréal, il y a qui? Il y a Lucien Francoeur. À Québec, il y a... Non, pas lui. Non. Surtout. Non. Arrête de ronronner. Toi, là, on ne nommera pas. D'un, t'es pas connu. De deux, la poésie, c'est le parent pauvre de la littérature. C'est comme la danse contemporaine. C'est le parent pauvre du spectacle vivant. Et puis, quoi que vous pouvez faire vous-même votre poésie à la maison, hein, c'est comme vos cretons. On peut faire les cretons à la maison. Et depuis quelques années, surtout 3 ans, il est vraiment conseillé de tout faire à la maison. Hein. Je parle au niveau de la cuisine, là, parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. Et on se fait-tu avoir depuis ce moment-là? Hein? Je n'ai même pas à nommer, tu as juste à dire ce moment-là. Tout le monde comprend. Ah, ben oui, là, il y a 3 ans, 2 ans et demi, là, quand la coco est arrivée, quand la coco, comme chantait Fréhel, mais c'est pas la même coco. Non, c'est la coco-vide. On se fait avoir encore aujourd'hui. Comment ça? Il n'y a même pas 3 ans, vous pouviez avoir ce produit-là. Maintenant, il n'y en a plus. Ah, ben là, depuis la COVID, là, c'est dur dans comment. On en commande, mais c'est dur d'en avoir. Pourquoi? Ah, peut-être un manque de personnel. Mais voyons donc, oui. Ah, peut-être aussi, hein. Ils n'arrivent pas à fournir. Mais voyons, c'est fini depuis longtemps. Qu'est-ce qui est fini? La vie? Ben, quoi que, on ne sait pas. Elle n'a même pas commencé. On l'attend, cette vie-là, là. On l'attend depuis qu'on est né. Hey, moi, je m'assis le matin avec mon café. J'en bois pas, ça me stresse. Je veux juste sentir, je hume. Comme quand je dis hume, hein, au début de l'émission, là, pardon. Moi, j'ai dit, hein, désolé, je voulais dire pardon. Quand on commence au début de l'émission, je dis humer la différence, humer. Là, pour certains, c'est incomprenable de dire humer la différence. Et hume la différence, car c'est parti, mon kiki. On ne peut pas humer la différence. Mais si vous êtes ouvert, quand tout est dévissé dans votre cerveau et c'est rien de négatif, là, quand toute la volonté d'aller plus loin dans le discours, même décrocher, ça c'est surréalisme, puis même on appelle ça aussi, oui, on appelle ça, il y a d'autres termes, là, oui, hors norme, oui, de l'humour hors norme, oui, comme Ding et Dong sait le faire, comme Marc Favreau savait le faire, comme bien des gens, aujourd'hui c'est André Sauvé, ça on appelle ça de l'absurde. Si on ne peut pas parler d'absurdité, et surtout pendant 50-quelques minutes, là, il nous reste combien de temps? Arrête la temporalité, arrête aussi le cartésianisme, on est là pour avoir du plaisir, pour oublier les embarras familiaux. Hein? Au début, je disais, les gens saignent du tympan quand tu dis « hein ». Il faut dire « pardon ». Ben oui, moi, je ne veux pas dire « pardon », je dis « hein » dans le sens de « hein ». Bon, tu peux le dire dans n'importe quel sens, là, en large, en long, à l'horizontale, à la verticale, peu importe, ça reste un « hein ». Puis un « hein », hein, devant une montagne, ça va te résonner. Et il va avoir comme on appelle ça de la réverbération. Et là, je ne sais même plus ce qu'il est, moi. Ça fait longtemps qu'il a tapé « hein ». Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ah, OK. Ah, c'est ça, là, il faut que je vous donne la pinouche. Ou la pitoune. Vous avez le choix entre la pinouche ou la pitoune. Préférez-vous la pinouche ou la pitoune, vous? Regarde-moi mon Gaétan, lui, c'est la pitoune. Hein? Oh, t'as... Ouais, là. Hein? Oui. D'accord. On revient à la normalité. Ben oui, c'est bien de revenir à la normalité. C'est plus sécurisant. C'est moins stressant. C'est moins angoissant. Quand tu sais que dans ton croissant, tu vas rajouter du beurre, même s'il y en a un peu, puis peut-être du beurre d'arachide, en dessous de ton beurre que tu as mis à l'origine, puis peut-être même de la confiture. Imagine-toi donc si tu prends ce même croissant-là, le même matin, mais tu décides de placer. Je ne sais pas, on va dire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'un peu bizarroïde? Ah oui! Vous savez, là, moi, j'en ai jamais mangé, là, mais c'est des œufs de chambronne. Non, de chambronne. Chambronne! Comment t'appelles des œufs de poule, gamoline, les signes? Non, c'est des œufs de. Voyons donc. Du caviar. Imaginez-vous, vous prenez. Merci, hein. On me souffle dans les tympans, on me souffle dans la narine, dans le trou de pète. On me souffle de partout pour essayer de rentrer dans la communication avec moi pour. Enfin, que les vibrations. Moi, je fonctionne aux vibrations, hein. Même si je comprends pas si ça vibre, caviar. Mal l'entendre, non pas uniquement par mes oreilles, mais par tout mon corps, parce que je suis vibratoire. Je fais du yoga, mais je préfère du yo-fille. Yoga, yo-fille! Oh! Le spectacle est commencé! Hein? Tout le monde pleure? Bon. Ben oui, c'est comme ça. Écoutez, on va s'élever, faites-vous-en pas. On est comme en montgolfière, là. On, à peine... Les flammes arrivent au ballon. Vous allez vous sentir à un moment donné, là, sans le savoir, au-dessus de tout ça. Vous allez regarder. On ne peut pas aller au-dessus des nuages avec une montgolfière. Là. Si oui, je pense que tu es trop haut et ça risque de péter. Puis si ça pète, tu vas péter aussi. Parce que si la Mongole a fait ça, tout le monde dans le panier risque. Ça, c'est comme les framboises. Hein? Moi, t'explique. Tu tiens un conso de framboises dans tes mains. Des bonnes framboises. Tu sais, pas des. Quoique. Tu sais pas s'ils sont bonnes avant de les manger. Quoique la couleur peut parler avant, là. Parce que moi, j'aime bien faire parler la framboise avant de la mettre dans ma bouche. Mais je préfère les fraises. Parce que moi, ce qui m'énerve, là, c'est, excuse-moi, là, sur la framboise, là, c'est des petits pépins. Ah, j'en ai assez dans la vie, des petits pépins, tu sais, au quotidien, au travail, hein, dans ta vie, avec ta femme, des pépins, il y en a des pépins, puis c'est pas juste dans les pommes, puis Adam et Ève, ah, mon Dieu, quand c'était, c'est quoi il dit, nous étions comme Adam et Ève lorsqu'il était encore aux cieux, c'était le plus beau spécimen, ah oui, ça c'est rupture au miroir, est-ce qu'on va l'entendre là-dessus, ah oui, on va l'entendre, et puis, qu'est-ce qu'il dit là? Personne n'a compris, hein? Quoique quelqu'un... Ah, il y en a une ici qui me fait des clins d'œil. Non, elle a quelque chose dans les nez. Ah, mon, tu sais quoi? C'est un grain de sel. Ah, c'est ça, prendre la vie avec un grain de sel. Ça, c'est intelligent. Faudrait que j'apprenne à faire ça, moi. Mais mon yoga va me l'apprendre, hein? Mon yo-fille encore plus, là, parce que moi, je suis vibratoire, je te l'ai dit depuis tantôt. Mais à quel moment j'ai senti que j'étais vibratoire? Ah, bonne question, toi là, bonne question. Je me suis même pas posé ça, moi. Au moment où, quand je me suis placé en Indien pour faire, oui, parce que moi, quand je fais ça, là, du yoga, je me place les jambes en Indien. Pas besoin d'être Indien pour faire les jambes, pour avoir les jambes en Indien, là. Mais si tu fais ça trop longtemps, tu vas marcher sur les genoux. Parce qu'ils voudront plus te coincer, les jambes en Indien, tu sais. Et puis, je te conseille pas de faire un feu entre tes jambes. Parce qu'entre tes jambes, il y a le reste des organes qui fait partie de ton corps. Que tu sois une fille ou un gars, c'est la même affaire. Mais je veux dire, c'est pas la même affaire que t'as... mais non, je veux dire, j'ai eu des cours en anap. L'indilana, c'est dans le geste, la zinana, ou dans le fesse, la zinana, c'est peut-être con. La zinana, ça se comprend presque pas, la zinana. Si tu veux prendre le dernier pont, la zinana, tourne comme ça et ce sera si rond. Adjanana, c'est des baisers, c'est des caresses. Adjanana, a défoncé le tiroir caisse. Adjanana, c'est de la panthère qu'on te sert en tasse. Adjanana, faut laisser faire et puis ça passe. J'aimerais que que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevras jamais. Et couvre mon télégramme, tu te mets à pleurer. Je sais que ce télégramme est le dernier télégramme de tous les télégrammes que je t'enverrai jamais. Tu auras ce télégramme par le post office anglais. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes que tu recevras jamais. Je sais que ce télégramme est le dernier télégramme de tous les télégrammes que je t'enverrai jamais. Tu auras ce télégramme par le post office anglais. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme télégramme tu recevras jamais. Et couvre mon télégramme, tu te mets à pleurer. Tu auras ce télégramme comme mes autres télégrammes par overseas télégramme et le post office anglais. C'est une reprise aussi. Gainsbourg l'avait fait dans son album reggae, son premier album reggae, qui s'appelait « Mauvaise nouvelle des étoiles ». Que c'est le premier CD que j'ai acheté de ma vie à l'époque où le numérique apparaissait sur le marché. Et j'étais sur le marché. Ah mon Dieu, le marché, je dirais pas lequel, mais je marchais pour arriver au marché. Et là, je m'en vais voir le disquaire, parce qu'à l'époque, il y avait des disquaires. C'est pas comme aujourd'hui. Ah, connaissez-vous des disquaires? Il y a Sion, que j'adorais, mais qui existe plus, pour ça je peux le nommer, qui aidait beaucoup CKRL. Vraiment, Sion a été la pierre angulaire d'une certaine époque de CKRL. Et j'y allais souvent. Et c'est là que j'ai acheté mon premier Gainsbourg. Deux disques. C'était « Mauvaise nouvelle des étoiles » de Serge Gainsbourg. Et le deuxième disque, c'était Tina Turner, Private a Dancer. Les deux nous ont quittés. Les deux albums, pour moi, sont mythiques. Et un est commercial, l'autre un peu moins. Mais peu importe, c'est pas important. Peu importe le commercial ou le pas commercial. Comme disait Foule Sentimentale. C'est pas Foule Sentimentale qui disait ça, c'est Alain Mouchon. Non, c'est Alain Bouchon. Alain, ah, il y a Bouchon. Peux-tu déboucher, s'il vous plaît? Souchon, souché, chez chat. Allez, Souchon. Et qui disait dans Foule Sentimentale, Foule Sentimentale, mets de l'eau dans tes céréales, tu verras, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, le monde est fait pour toi. Tu verras, tu entendras ma mission, embuer le soleil, un loup beau, j'ai de bizarre, un loup d'ici, d'y maille. I don't easy money won't mine. I don't dolly be pow, don't put body put pow. I little she know your mother ninny so. All I'm mother she know. Sinon, sinon tu peux dire oui à la vie. Ça, c'est un nouveau grand succès que vous entendrez, là. Pas CKRL parce qu'ils connaissent la bonne musique. Mais ben oui, c'est quand même dans le cadre de mon émission, où je laisse la place à tout, à tout, et même à ça. Même à ça, moi, j'ai aucune réticence. Même si on me fait des grands signes et puis on me monte la porte. Non, ouais, je ne suis pas... non. Je suis... On peut pas m'influencer, moi. Je suis incapable de me plier à ce qu'on me dit. C'est comme ça. Et c'est vrai. C'est fou. Peut-être pour certains. On peut appeler ça de la rébellion adolescente. Quoique, je serai toujours cet adolescent. Parce que j'ai passé... Quand j'étais petit, je vais vous dire ça. Quand j'étais petit, j'ai jamais voulu être un enfant. T'sais. Un enfant. Parce que je trouvais qu'un enfant, c'était réducteur dans une société. Quand tu ne commençais pas à travailler, tu étais vu comme un enfant. Ben ouais, un enfant, bon, c'est pas important. Mais quand tu amenais des sous à un moment donné, là, même quand tu achetais pour ta mère ou ton père, moi j'achetais plutôt pour ma mère parce que mon père était à l'extérieur, il travaillait, et nous on restait à Québec, où on le suivait à un moment donné. Là, mais quand j'allais à l'épicerie, ou au dépanneur ou à la supérette, c'est la même chose, dépanneur ou supérette. Alors j'allais à la supérette, et comme si c'était pas à moi l'argent, quand j'achetais quelque chose, c'était pas important. J'étais pas considéré comme un être à part entière. Mais là, à 14 ans, non, excusez-moi, à 12 ans, quand j'ai commencé à livrer mes journaux, là, je faisais attention à mes sous. Eux ne savaient pas que je travaillais. Puis donc, ça passait inaperçu. Mais plus tard, à 15 ans, là, quand j'ai eu un véritable emploi, dans un... Non, c'est à 16 ans, dans un restaurant, qui n'existait plus, je vous dis, j'ai travaillé au restaurant Papaye. Oui, comme papa et le romarin. Même chose. On faisait des burgers. Oui, avant ça, on disait des hamburgers. Mais aujourd'hui, on dit des burgers, puis on n'est plus capable de dire le ham. Ah, on est fatigué. Hein? Au lieu de dire, ah, ben oui. Hein? Comme d'habitude, on dit, ah, comme d'hab. Plus capable de dire d'habitude. C'est bitude. C'est dur, bitude. Hein? Hamburger. Ah, bon. Il faut tout raccourcir. Tout raccourcir. Mais moi, j'avais rien contre des années 60 de raccourcir les jupes. Non, parce que c'était chaud. Moi, j'apportais des mini-jupes. Ben, j'étais... oui, je me préparais à aller à Pigalle. J'étais un des seuls avec une mini-jupe. Je me disais, pourquoi les gars n'ont pas le droit de porter des jupes, des robes? Hein, c'est une bonne question. Là, vous allez me dire, les Écossais. Ben oui, mais les Écossais, c'est juste en Écosse. Promène-toi, mon ami, mon champion. Tu sais, le gars rose, le gars qui n'a pas peur de rien. Là. Promène-toi en robe. Pas pour faire la femme, là, pas pour imiter une femme, là, mais pour être un gars en robe ou un gars en jupe. Je te conseille la jupe. Au début, commence par la jupe, la robe, parce que le monde va critiquer. Déjà là, en jupe, là, tu risques d'avoir des échos assez... comment dire? Assez difficiles, assez durs à supporter. Mais comme tu es capable, si tu oses aller en jupe, ben écoute, ben faut être prêt à en subir les conséquences. Au même titre que quand j'ai commencé à faire mon émission Errance Canadienne, je recevais des courriels assez, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Shazam pour prendre les chansons. Je recevais des critiques pour me dire, c'est quoi, quelle chanson t'as fait jouer? Puis en plus, je trouve que c'est trop éclaté. Puis, ou quand je prenais des appels en direct, il y avait des survoltés qui disaient « Hey, toi, t'en fumes du bon, hein? » Associer le surréalisme, associer l'abstraction, associer tout ce qui est hors norme à la drogue, je trouvais ça épouvantable. Incroyable. Et je mordais tout le temps. Puis là, à l'époque, j'habitais avec... même j'avais une relation amoureuse avec une psy. Puis elle me dit « Ben oui, mais tu provoques aussi, là. Quand tu provoques, attends-toi à avoir des réactions provocantes. » Genre, ouais. Ah, ben oui. Alors, tu sais, j'ai réfléchi parce que ça m'arrive de réfléchir, moi. Ouais, je me mets devant le miroir. Des fois, c'est moi qui arrête, puis c'est lui qui... Hein, le miroir continue à réfléchir. Bah ouais, il réfléchit, il me regarde, puis il me rejette mon visage, il me rejette mon image, puis il me rejette. Là, je dis, voyons donc, t'es comme la société, tu rejettes tout le monde, toi, là. T'es-tu le miroir, oh, miroir dans Cendrillon, là, qui est le plus merveilleux, qui est le plus beau? Ah, c'est Cendrillon. Faudrait que je regarde ça, je le lis ici. C'est ça, ben oui, le plus beau, c'est ça, la plus belle, c'est Monde, ou c'est Mary Poppins. Hey, tu te trompes, toi, là. C'est pas le même film, là. C'est pas Mary Poppins la plus belle. C'est Cendrillon. Ah. Oh. Mais c'est pas elle, je pensais qu'on... C'est la sorcière hein, qui dit « Ah, qui est la plus belle? » Puis à un moment donné, le miroir a dit « Cendrillon ». Bien, il était mêlé, le miroir, parce qu'il l'avait mis à côté de la vodka, puis elle a mis son verre de vodka sur le miroir. Puis il y a des gouttelettes qui se sont... qui ont communiqué avec les miroirs. Puis le miroir, ça absorbe les miroirs. Que là, quand elle l'a pris, le miroir était... Il dit, miroir, qui est la plus belle? Puis, attention, c'est Cendrillon! Et là, elle était pas de bonne humeur, la sorcière, là. Elle dit, moi, te changer en homme, puis moi, te marier, toi, là, hein? Ça va être le... Tu vas le regretter toute ta vie. Pas ça, c'est pas ça qui est arrivé. Ah non, parce que quand elle a vu ça, là, puis elle était tellement fâchée, elle a pris le miroir, puis elle a cassé. Elle a jeté par terre. Puis en cassant un miroir, si tu ne le savais pas, moi, tu as l'expliqué, mon petit champion, ma petite championne. Quand tu casses un miroir, approche-toi. OK. Si malheureusement ça t'arrive dans ta vie, là, ouf, t'es pas chanceux, t'es pas chanceuse. Bon, appelle-moi. Je vais te donner mon numéro de téléphone. 418-261-1641. Tu m'appelles, OK? Puis moi, je vais t'expliquer quoi faire pour éviter ce qui va t'arriver. Oh, je sais que tu trembles, là. Mais parce que, si tu savais, casser un miroir, là, c'est 7 ans de malheur. 7 ans de malheur. C'est comme si pendant 7 ans, on t'obligeait de vivre avec moi. Sur nos bonheurs passés, mieux vaut en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Plans écrans que l'on trouve overplayed, ralentis qu'on aimerait voir en accéléré. Que de scènes n'avons-nous pas jouées, mieux vaut en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Vibration au bout d'un doigté, de guitare qui ne se sont jamais accordées. Peur d'être obligé d'en pleurer. Une rupture comme celle d'un collier, de culture qui prie moins que le faux, c'est le vrai. Mieux vaut en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Le fameux titre « Rupture au miroir », c'est la chanson qui suit. Et lorsqu'elle est décédée, Jane Birkin, en juillet, ben oui, est-ce que vous vous souvenez la date? C'est un dimanche, le 16 juillet 2023. Ben, le premier texte que j'ai mis avec sa photo, c'est cette chanson de Serge Gainsbourg. Pour moi, c'est un texte très fort qui m'évoque beaucoup de personnes féminines que je connais et qui sont, à mes yeux, des joyaux précieux, comme le dit le texte de M. Serge Gainsbourg. Alors voici Rupture au miroir, qui, à l'origine, et ça c'est vrai, c'était une chanson chantée par Jane Birkin et Isabella Gianni, et qui racontait une histoire de deux femmes qui s'aimaient et qui se séparaient. Excusez-moi, attention, quand je vous dis, parce que là, on m'a dit, explique un peu plus, qui s'aimaient, là, qui étaient en couple et qui se séparaient. Donc, c'était deux lesbiennes, qui deux homosexuels, qui filles, qui se quittaient après une belle histoire d'amour. On va y arriver. C'est magnifique, hein? Si, oui, attention, si, pas si, maman, si, non, c'est si vous voulez voir Rupture au miroir à Jenny Birkin, je vous conseille de devenir ami d'Errance Rinaldienne sur Facebook. Comment faire? Ben, vous pouvez aller sur CKRL, vous allez sur ma page d'Errance Rinaldienne et vous avez le site de mon émission Mais là, j'ai deux sites. Attention. Non. Site Facebook. Comment ça... Madame Tremblay, pouvez-vous me raconter un peu comment ça, on peut voir ça quand on arrive sur les internets? Disons là, qu'il est 2 heures du matin. Bon, OK. Là, je tape CKRL. Oui, mais sur mon clavier. Non, je ne suis pas une femme violente. Ah, mais non. Moi, là, voyons, Joanne Brisebois, je n'ai jamais été violente. Ah non, jamais. La violence amène la violence. Hein? Ça, c'est Andy Rogandi qui le disait. Fait que là, je m'en vais le lundi, OK, c'est CKRL. Là, je clique sur Errance Rinaldienne. Puis là, il y a des choix ici. C'est voir les podcasts. Bon, ben, on les voit pas, on les entend, OK, mais pour voir toutes les journées, il y en a 3 émissions. Après ça, c'est page Facebook ou site Internet. Allez, ou alors vous cliquez sur page Facebook. Et en cliquant là-dessus, vous arrivez chez moi. Eh bien, pas chez moi, chez lui. Parce que Rénald, attends un peu. Rénald! Il est parti, je pense. Il est-il ici? Oui? D'accord. Rénald! Oui, excuse-moi. Oui, attends un peu. Ben oui, ben, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, OK. Vous allez sur mon émission. Sur Facebook. Alors, vous avez tapé « On l'a dit! » OK. Alors, vous arrivez sur page Facebook et vous me demandez d'être, si vous voulez, être membre là, actif. Actif, c'est-à-dire de savoir tout ce qui se passe avec des vidéos, plein de trucs. Et vous allez entendre, vous allez voir le beau vidéo de Jane Birkin qui s'appelle, et de, bien sûr, Isabelle Adjani, qui, à l'origine, devait être un duo, mais ça ne s'est jamais enregistré sur disque. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que ça va? Comment qu'elle va, elle? Oui, ta belle femme. Mais ta belle femme, elle est belle. Comme tu sais, elle est belle vue de l'intérieur. Mais même à l'extérieur, mais la beauté, là, c'est pas la beauté physique. C'est la totalité de la beauté. Dans le discours, dans l'intelligence, dans les vibrations, dans le regard. Dans le silence, dans la solitude, dans les vibrations, comme disait. Tu disais vibration. Oui, c'est bien de dire vibration. Vibration. Oui. Nous sommes des êtres vibratoires. Comme il y a des oiseaux migratoires. Les oiseaux migratoires sont aussi dans la vibration, là. Tout est vibration, Madame Tremblay. Ah, dites-vous ça. Quand vous allez vous lever, là, tantôt, là, parce que vous allez vous coucher, sans doute, là, vers 2h30, 3h, après mon émission, après l'émission de Rénald Gagné. Pas Gagne, là, c'est le groupe Gagne. Connaissez-vous le groupe Gagne? Hey, ça existe depuis les années 70. Il y a tellement eu de changements. Je ne sais même pas si le leader, encore... est là, mais c'est des tout jeunes qui font le groupe Gang. Peut-être que je me trompe avec un autre groupe, hein? Je me trompe quoi? Ah, avec Michel Richard. Ah, c'est vrai, le groupe... Avez-vous entendu le groupe Michel Richard? Que c'est beau! Ah! Il y a des petits pitous, il y a des petits minous, il y a de la belle Michel Richard qui dandine, qui se dandine, qui chante, qui pleure, qui crie. Ah! La belle Michel, on l'aime! Je l'aime. Avec de la béchamel, avant le spectacle. C'est plus facile à digérer. Pas Michel, mais la béchamel. Michel, elle se digère toute seule. Elle est d'une beauté crasse. Ah, mon Dieu. Elle est née dans une feuille de chou. Et aucune ride arrive à ses joues. Mais le soir, avant de se coucher, elle relit quelques moments de sa beauté. Oui, comment fait-elle? Elle caresse son visage. Et sur les interstices, elle reconnaît le passage de sa vie. Ah, Michel, Richard, Michel, Richard, toi, qui connaît les bolides, char, OK? Toi qui ne voulais pas dire char, parce que... D'où vient le mot char? Richard, tu sais que... Mon insignifiant, mon Richard, tu sais que d'où vient le mot char? Au Québec, là, tu sais, l'anglais, on connaissait pas trop ça, tu sais. Ben, en fait, on s'est fait avoir par des Anglais, puis après ça, par les Français. On s'est fait avoir de par tout le monde. Ah, mon Dieu. On va se faire avoir par d'autres morts. Oui, oui, oui, je vois ça arriver, mais je les vois pas, mais je les sens. Vibratoire, moi, je suis un vibro. Ah, mon Dieu. Je m'en suis acheté un nouveau, hein, mais il fait moins de bruit, lui. Ah, ben oui, il fait... Comme tu sais, l'abeille... Ou la guêpe qui est au... Hey, en parlant de guêpe, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis en plus, c'est dans une autre émission. Avez-vous connu la chanson qui a été popularisée par Joe Dassin? Mais à l'origine, c'était écrit par et chanté par Jim Morrison, le Moustique. Le Moustique, c'est une chanson de Jim Morrison. Vous allez dire, il est complètement disjoncté ce soir, là. Il n'est plus sur cette terre que l'on connaît ici, là. C'est comme disait ce grain de poussière sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile connue dans l'univers, royaume de la bêtise et du mal, où la plus évoluée parmi les créatures a inventé la haine, le racisme et la guerre, et le pouvoir qui corrompt et les plus purs y amène à cracher sur son frère fatigué. Hein? Je vais le rencontrer. Pas la fatigue, là, mais Renaud. Oui, madame, oui, monsieur, en 2024, en juillet, j'ai eu quelqu'un, lors de ma rencontre 2023, qu'il connaît très bien, qui a écrit une chanson de son deuxième disque. Pas deuxième disque, là, qu'il vient de faire, là, deuxième disque, c'est-à-dire, si je me rappelle bien, c'est « Marche à l'ombre ». Ouais, c'est pas où j'ai mis. Ah, ouais, c'est Marche à l'ombre. Et cette femme, je l'ai connue grâce à un autre. Hey, il se passe des affaires dans ma vie, puis vous le savez même pas. Non, non, mais c'est vrai, puis c'est tant mieux pour vous. Parce que c'est comme. Puis en même temps, on me croit pas parce qu'on me dit, hey, voyons, donc c'est tellement disjoncté que est-ce la vérité, est-ce, comme disait Gilles Vigneault, est-ce vérité ou parfois mensonge? C'est le beau temps qui garde, dans le temps tout qui fuit, dans le temps qui tout temps, dans le bas, di di di, dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps, dans le temps. Je vous entends chanter comme un baril de poudre. Ah, mais non, hey, imagine-toi, j'entends chanter. Je t'entends chanter, hein? Je t'entends chanter. Je t'entends chanter comme un temps de rivière. Je t'entends chanter. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur. Rachel Ribert de Lach, Aza Gazelle de toutes, se voyons sa faire foutre. Ou quelle misère susoute. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, et musique aux oreilles. Et du loin au plus loin, de ce n'est je désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom. Vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison, votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix les pays pleins champs et voix des amoureux. Douces voix attendries, des amours de village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville. Piaillerie d'école et palabres et sparages, magasin général et restaurant du coin. Les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Dis-nous, achetez maintenant, dis-nous, achetez maintenant, nous t'as oui ou t'es mon, te tuer, tiens chez moi. Vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir et sagesse et folie. Coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme un baril de poudre. Je vous entends monter comme grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glace en débâcle. Je vous entends demain parler de liberté. Un chef-d'œuvre encore. Les dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments maquillé outrageusement rouge sang. Les dessous chic, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. Les dessous chic, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles. Maintenant, avant de passer à mon invité, nous quittons avec une dernière chanson. C'était extrait d'un disque de Jane Birkin qui s'appelle « Baby Alone in Babylon ». Et voici donc la chanson qui porte le titre de l'album. Alors, quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. On y va. Ah non, on coupe pas. Non, on y va. Voilà. Babylon in Babylon, noyé sous les flots de Pontiac, de Cadillac, de Bentley, LA, de Rolls Royce et de Buick, dans la nuit métallique. Babylon in Babylon, noyé sous les flots de musique électrique, de rock'n'roll tu recherches un rôle, tu recherches les studios et les traces de Monroe. Les traces et le stress du ZDS de Los Angeles. Babylon in Babylon, noyé sous les flots de lumière, de poussière, d'étoiles éphémères. Tu rêves d'éternité, hélas tu vas la trouver. Babylon in Babylon, noyé tes larmes et le charme de la venue du crépuscule, c'est le Sunset Boulevard qui serpente dans le noir. Babylon in Babylon, noyé sous les flots des sunlight de Malibu, petite star inconnue, tu n'as vu que l'étoile de la police fédérale. Maintenant, une auteure, compositrice, interprète et une poétesse. Voici les deux fleurs. Non pas les deux fleurs du mal de mon ami Baudelaire, mais les deux fleurs ravissantes, fleurs Offwood et Almée. À vous, mesdemoiselles. J'ai cru ça va, ça va bien. Ah voilà. Oui, hein. Ouais, c'est quelqu'un. Ah non, on va pas avec tes lunettes, non. Pas du tout. Je te présente Christine. Enchantée. Ça va bien. Ouais, tu restes dans le secteur. J'habite juste au bout de la rue. Juste à côté. Tout le monde reste ici. Et elle fait des chansons magnifiques, alors je me suis dit, bah, je suis ravie de la rencontrer. Et t'as-tu amené des CD? Non, j'ai pas de CD. Ben, il y a vous transfert. Ah oui, parfait. Êtes-vous ici depuis longtemps? Parce que moi, je rencontre normalement les gens au Sancerre. Donc, je me suis dirigé au Sancerre en regardant ma fiche en me disant c'est pas le Sancerre. Donc, j'ai désolé de vous avoir fait attendre. Hein. Ah, pas de souci. Non, désolé. On est tranquille. Hein. Mais là, tu viens de déménager? Ah. Oui, demain. OK, tu déménages demain. Ah, oui. Et puis? Et puis, ben, à Bordeaux. Voilà. Ah, oui? Ah bah oui, un petit coup de ça, parce qu'il faut, y a un timing bon, un peu, voilà, mais ça va être... Pourquoi Bordeaux? Parce que ma petite maman, elle vieillit, ouais. Ah, tu veux t'en occuper? Voilà. Ouais. On a trouvé un truc à 10 minutes à pied, donc à 5 minutes en vélo. Et puis ta carrière, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des trucs à Bordeaux, justement, on était carrément en train d'en parler avec Anne-Christine. Okay. Ça bouge bien, côté live, ça bouge bien. À Bordeaux, ouais. Ah ouais? Socioculturel aussi, je continue les ateliers avec les enfants, je vais essayer de me trouver des petits spots dans des foyers avec des enfants en situation de handicap ou d'autres publics, toujours en socioculturel, quoi. Ah ouais. Et puis on ne dira pas dans l'interview, mais j'ai arrondi mes fins de mois un petit peu dans la recherche immobilière, donc ça marche à peu près partout. Et ça, donc, tu peux le faire ça, de partout. Ouais. Exactement. Ah, c'est parfait. Donc ça, du coup, ça a été aussi une des raisons qui a fait que, bon, à un moment... Le choix n'est pas difficile à faire. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai... Et toi, tu es de passage comme chaque année, du coup, à Paris? Ben là, non, j'ai été 2 ans. Non, mais on m'a cloué sur ma chaise pendant 2 ans. Sans déconner. Ben oui, la COVID. Ah ouais, ah mais oui. Ah mais oui, sortir. C'est vrai que tu n'étais pas là l'année dernière. Mais non, les 2 dernières, on ne pouvait pas sortir. Le temps passe à une vitesse. 2 ans. Deux ans déjà, tu étais pas cloué sur mon siège. Mais chaque année, tu viens en France. Oui, chaque année. Mois de juillet. Mais sans indiscrétion, je t'ai jamais demandé pourquoi. Pourquoi? Pourquoi juillet? Pourquoi? Ben, parce que c'est mes vacances. Pas compliqué la vie. D'accord. Hein? C'est ça. Mais comme chez nous, après 5 années, parce que moi je ne suis pas syndiqué, ok? Tu peux être syndiqué dans une entreprise ou tu peux ne pas l'être. D'accord. Moi je ne suis pas syndiqué. OK. Donc, après 5 années de travail au même endroit, tu as droit à 3 semaines de vacances. OK. Par an. Par année, oui. Donc, les employeurs. C'est le morticus parce que ce soit les 2 semaines en été et 1 semaine en hiver. OK. Donc, comme je travaille là depuis 8 ans, j'ai travaillé à l'autre entreprise pendant 32 ans. Donc, d'accord. Oui, 32 ans. Je l'ai ouvert et je l'ai fermé. D'accord. Et puis, en hiver, c'est au mois de février. Donc, depuis à peu près 4 ans, si on enlève la COVID. Cloué encore à l'intérieur. Ah, t'as accumulé les trucs. Non, pas du tout. Ah, non. Non, mais parce que avant. Ça aurait été bien. Non, oui, oui, mais on peut pas faire ça. Mais avant, je me pointais juste au mois de juillet, mais comme je dois 3 semaines, je me pointe aussi au mois de février. D'accord. Ah oui, carrément. Oui. Wow. Ouais. Sérieux traveler. Mais là, c'est beaucoup plus juste parce que avant la COVID. Mais quand j'ai attrapé la COVID ici. Non. Oui, mais moi, je ne savais pas. C'était pas encore. C'était pas encore. Oui, on est en février. Officialisé. Ah, c'était en février 2020. Oui. Oh, purée, la vache. Donc, mais moi, je l'ai su chez moi. Merde. Et j'ai. Parce que comme on ne pouvait pas développer les tests, okay, ouais. je me suis pointé au travail avec la COVID. Oh. C'était épouvantable. Puis le vaccin n'était pas encore là, loin de là, là. Donc moi, je l'ai attrapé 3 fois. Tu vois, mais par contre, ils le savaient, ils auraient pu nous prévenir en amont. Enfin bon, ça c'est... Puis je l'ai attrapé 3 fois, la COVID. 3 fois? Ouais. Sans déconner. Oui, et j'ai été vacciné 3 fois. Excusez-moi, vous pouvez répéter... Quoi? Votre nom. Votre nom. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Oui, cette nuit. J'ai pas l'impression... Vous dansiez. Désolé, mais là, j'en comprends presque rien. Dans mes rêves. Dans le bois. Ah. Pourtant vous me rappelez quelqu'un. Cherche bien. Bla bla quoi? Bla bla. Non, vous êtes sérieux? Oui, je suis. Petite président. Petit président. Je suis pour le rapprochement des nations avec une nation. Avec une femme, qu'en pensez-vous, personnellement? Bon, là, je crois que j'ai des choses à faire. Toutes sortes de choses. Je vais y aller. J'aime des choses. Parce que pour être totalement sincère, ne me cachez rien. Je veux pas vous parler. Votre vie m'intéresse. Comment ça vous, vous en avez envie? Mieux connaître vous. C'est votre problème. Problème, problème. Vous avez qu'à vous trouver des amis. Je veux trouver l'amour. Et leur écrire des poèmes, par exemple. Sur vous. Pas contente. Où est la sortie? Où être belle ou pas contente? Attendez-moi, je ramène vous en limousine. Paris est dangereux. Il insiste en plus. Est-ce qu'on peut se dire tu? Lâche-moi maintenant, j'en peux plus. Pas de vodka. T'as tout bu, tu serais en taux. Tu trouverais ça moins drôle, tu serais tchétchène. Tu trouverais ça moins zen ou ukrainien. Tu te sentirais moins bien, alors fous-nous la paix. Ça y est, j'ai compris. Toi, femelle, c'est ça. Entre nous, c'est impossible. Manifeste pour moi, maintenant. Garde-toi bien ça sous la chapka. Allez. Non, j'ai dit, lâche mon manteau. Danse, Simone, danse. Taxi! On est quand même dans un système en France où, bon, déjà passé 40 ans, être une femme dans le spectacle vivant. Ouais, mais les comédiennes, hein, les comédiennes le savent bien. Je ne sais pas. C'est fou. Je vais peut-être chanter sur Instagram. Ça, quand même. Bon, mais quoi, je sais pas. Kate Bush a bien sorti. Tu crois pas que c'est en train de changer, tu penses? Et Tori Amos, c'est comme je lui disais qu'elle ressemble à Tori Amos, c'est vrai. Hein? On m'a dit ça. Elle ressemble à Tori Amos. Ah oui. Ah oui. Ah mais alors oui, là, oui, oh là là, oui. C'est vraiment c'est un beau compliment que tu m'as. Non, mais c'est la bouche. Hein. Et bien si tu reprenais Tori Amos. Ah ça, quelle voix. Hein. Son premier album, c'est le meilleur. Mais pas son vrai premier parce qu'il y a c'est deux... C'est quoi votre chanson préférée de Tori Amos? Ben, c'est Crucify. Celle que j'ai, en tête, que j'ai adorée. Ouais. C'est comme ça que je l'ai dit. Mais celle qui est dans un cube, là. Mais je connais pas tout. C'est laquelle tu as crucifié? Ouais. Ah ouais, elle est... Et toi? Ah, je sais pas. C'est l'album en général où on la voit dans un cube, là. Ah oui, c'est ça. Elle était contemporaine de Kate Bush. Non, elle est arrivée un peu après. Ah non, non, après. Après. Ah oui, oui, oui. Oui. Longtemps après, 30 ans après, 20 ah, oui. ans, 25 ans. Kate Bush, elle a 70. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Patti Smith a 78, 79, Patti Smith. Et j'ai appris que Patti Smith et Blondie, c'était pas la folie au début. Hein. Elles se sont fait la guerre, hein, Blondie et Patti Smith. Moi, ouais, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais j'ai découvert ça, ça m'a fait rire. Ouais, mais Blondie, je préfère Patti Smith. Oh, bah, justement, non, non, au niveau de la carrière, au niveau de la carrière. J'adore le cover de Patti Smith, Because the Night. Non, non, mais pas le deuxième cover. Oh là là. Non, mais c'est bien. Pour ce qui est de la carrière, Patti Smith est même incomparable. Poétesse exceptionnelle. C'est vrai. Revendicatrice extraordinaire. Blondie, c'est plus. C'est plus. Oui, on va dire. Plus superficiel en apparence. Ouais, ben voilà, mais... c'est ça. Ouais. C'est un peu la Lio. La Lio de. Oh, oh non. Action-réaction. Lio, moi j'adore hein, Lio. Hein, ben, elle a repris Prévert aussi récemment, ben, récemment, il y a 15 ans. Récemment, ouais, récemment pour moi. L'œuvre de Prévert, elle l'a refait, elle a fait une tournée avec ça. Prévert? Oui. Elle reprend Prévert? Oui. C'est ça alors? Oui, ben, ça fait 15 ans. Ah oui? Ouais, d'accord. Aujourd'hui, je la verrais mal. J'aurais jamais imaginé un truc pareil. Lio et Prévert, je sais pas si. Non, moi non. Ben, mais pourquoi pas? Hein? Ben, c'est ça, les gens s'imaginent, quand on disait tout à l'heure, c'est une fille superficielle. Mais non, elle a quand non, même. Non. Ah oui, oui, elle a macéré avec les années. Puis le métier, il nous fait apprendre des choses. Hein. Les gens sont de très, très. C'était le grand amour, d'ailleurs, Lio, pendant très longtemps. Bonne question. Qui lui avait écrit des chansons et tout ça? Je sais que Mylène Farmer, c'est Boutonna. Boutonna. Boutonna, oui. Laurent Boutonna pour Mylène Farmer. Jacques No pour Élie Médéros. Et oui. Puis Lio. Mais Élie Médéros aussi, Dao. Ah, c'est peut-être Dao pour Lio. Je me demandais parce que Dao, non, mais il a écrit Le Grand Sommeil, il l'a écrit pour Élie Médor aussi. Ah oui, voilà. Et c'est Lio qui l'a chanté finalement, c'est ça? Non, c'est lui. C'est lui. Quelle chanson? Le Grand Sommeil. Le Grand Sommeil. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Ah oui, oui, oui, oui, la vie oui, oui, oui. C'est vrai. Un enfer. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais qu'il n'y a pas que ça, toi. Je vais dans tes bras. Ce bleu infiniment bleu. Ça, c'est les années 80, ah, ça. Mais oui, c'est vrai. Ben, oui, et ben, il l'a écrite pour Élie Médéros. Oui, oui. Il était fou, fou d'elle. J'ai lu une biographie récemment. Ah oui, officielle. Officielle, je ne sais pas, mais publiée et connue quand même, je crois. Ouais. Qui fait autorité en la matière. Autorisé, oui. Ok, ah ben là c'est ok, là c'est sérieux. Quand c'est autorisé, c'est moins... Mais c'est vrai, quand c'est pas autorisé, on peut dire n'importe quoi. Si l'artiste l'a lu, puis oblitère ce qui est écrit, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une parcelle de vérité. Oui, oui, oui. Quand c'est validé par l'artiste, c'est toujours ben avec oui. Qui elle a eu cette histoire. Ben... Il y a eu une expo Dao, carrément, hein, consacrée à Dao. Oui, hein. Oui, il est... Mais il fait pas grand-chose, mais... Il le fait bien. On en parle tout le monde, mais sauf que Boris Bergman a eu un froid avec lui. Ah bon? Parce qu'il prépare un album sur des reprises de Bachon. Il a demandé à Étienne Dao. Étienne était d'accord pour et Alain Chamfort. Oui. Ah, il est bon, Alain Chamfort, oui. Alain Chamfort et Lio? Oui. Ah, ah bah tiens. Non, non, mais Lio, tu veux dire... J'adore Alain Chamfort. Non, mais ils ont... Chance d'être... Je sais pas. C'est peut-être comme Nietzsche et Lou André à Salomé. Hein. Il s'est peut-être rien passé. Non, non, non, mais parce qu'à un moment, j'étais complètement fan d'Alain Chamfort aussi. Ah oui, ah, tu m'étonnes. Comme un géant, mais et du coup, c'est là où j'ai écouté toute une émission sur Alain Chamfort. Et que j'ai appris qu'ils avaient une histoire incroyable avec Lio. Et pendant très longtemps, elle était beaucoup plus jeune que moi. Ouais, mais ça aussi, c'est certain que c'est moins mal vu que le contraire. Oui, oui, mais genre, elle avait... je sais plus quel âge elle avait, mais elle était à peine majeure, je crois. Ah oui, à peine majeure. C'est lui qui a réalisé Les bruits ne comptent pas pour des prunes, apparemment. Le tube qu'il a réalisé pour elle. Ah ouais. Non, mais elle était juste quand elle a fait cette chanson-là. Elle devait avoir 20 ans. Mais Alain Chamfort, moi, ce qui m'a fait halluciner de ce gars-là, c'est qu'il s'est fait renvoyer de sa maison de disque. C'est fou, hein? Il s'est fait renvoyer de sa maison de disque. Oui, oui. Et c'est ben pour oui, ça qu'après, il a fait, comment ça se fait cette chanson magnifique qui s'appelle Les yeux de l'or. Plein de monde se sont fait virer dans leur maison de disque. Il s'est fait virer de sa maison de disque. Et après, ouais. Il a sorti cette chanson, Les yeux de l'or. Tu connais cette chanson? Là, comme ça, chante-la moi, quoi. J'ai plus l'air en tête. L'or a les yeux, quelque chose. Et en gros, c'est pas à cause de la piscine, c'est parce qu'il la trompe, je pense. Ils ont fait un clip. C'est d'ailleurs un mec qui habite le quartier qui a fait le clip. Il s'appelle Burgo, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Genre Pierre-Dominique Burgo, un truc comme ça. Ah oui, ça te dit quelque chose? Ouais, son nom. Et ben, ce mec, il est parolier et réalisateur. Et il a eu l'idée de faire ce clip, qui est une copie, hein, mais assumée, d'un clip de Bob Dylan. Ok. Tu vois Bob Dylan en noir et blanc, il y a des panneaux, des cartons, et il y a les paroles qui défilent en carton, comme ça. Tu sais, déjà par terre. Ben, il a fait la même, avec les paroles des yeux de l'or. Sauf que le truc très marrant, c'est que donc il y a toutes les paroles qui défilent. Et à la fin, pendant l'instru, il y a « Et je me suis actuellement fait virer de ma maison de disque, donc si quelqu'un veut embaucher un chanteur, c'est bon. Je suis propre, je présente bien, j'ai composé Manu Reva. » Ah ouais, c'est bon. Et ils ont gagné. C'était Gainsbourg qui avait fait les paroles, c'est lui qui avait fait la musique. Manu Reva, c'est Chanfort qui a fait la musique, ouais. Ah putain, parce que, et c'est Gainsbourg qui a fait les paroles, non? Ouais, je pense. Je crois qu'il a fait les... Je sais pas si c'est... Il a fait Bambou. Alors, il a fait Bambou. Manu Reva, je crois que c'est Chanfort qui a fait les tout. Hein. Il a fait paroles et musique, Chanfort. Parce qu'il savait pas quoi écrire Bambou, et là. Il a... Manu Reva. Mais bon, c'est bon. Quel monument. Celle-là, je voulais la prendre aussi, Manu Reva. Il a fait un spectacle à un moment donné, après l'heure, et ça a été filmé. Ah oui, Gainsbourg, par exemple. Il me semble, hein. Ah oui. Et apparemment, parce qu'il s'est... Je crois qu'il avait rencontré la femme, la veuve, je crois. Ouais, Chamfort a composé les paroles, et Gainsbourg a composé la musique, et Gainsbourg a... Ouais, et il lui avait montré le texte, et qu'elle avait dit oui. légende complètement urbaine que je crois que oui, elle a, la femme du navigateur, la veuve du navigateur avait validé les paroles et à partir de là, je crois qu'on va venir à ce moment-là, ok, on y va. Ouais, de mémoire. Ça, j'adorerais la reprendre. Manureva, non mais c'est bien, là, cet été, je vais faire un petit peu de reprise, là, vite fait. Puis ce qui est bien, c'est que dans les reprises, c'est une chanson d'été. C'est complètement mon délire, ça. Ah, c'est bon. C'est complètement mon délire. Puis tout le monde chante avec toi, c'est ça qui est bien. C'est une chanson facile, un peu comme Si Maman Si de Chargard, oui, tout le monde chante. C'est ça. Et la version Coluche, là, très battable. Michel Berger au piano, puis Coluche il a chanté Si Maman Si. Sans déconner. Pardon? Il a chanté Si Maman Si, Coluche? Oui. Bah. Au piano, c'était Berger. Non. Ben oui, sur YouTube, ben oui. Oh. C'est la meilleure version. Ça, c'est génial. Est-ce que tu veux? Non, parce que je suis sur Manureva, moi, toujours. Ouais, ouais. En fait, au départ, Gainsbourg, il avait écrit les paroles et ça s'appelait Adieu California. Ah. Et ils ont même enregistré le truc et Chanfort, il n'était pas ravi. C'était écrit là-dessus. Et après, et ça, je sais que j'avais entendu, Gainsbourg s'est retrouvé à un dîner avec un navigateur qui avait participé à la Transat où Alain Colas est mort. Voilà. Et là, il s'est dit Manureva. Okay. Et il a appelé Jane en lui disant Manureva. Juste remplacé. Et après, il a réécrit la chanson à partir de là. Mais ça, Gainsbourg était capable de se remettre en question. C'est-tu le site de Gainsbourg? Non, c'est Wikipédia. Ok, ah non, mais c'est bien. C'est énorme de voir que le type, on dira ce qu'on voudra, il arrivait à se remettre en question. De Gainsbourg, okay. Parce qu'il écrit tout un texte sur une musique, parce que c'était. On l'entend, hein. Adieu California, on l'entend. On sait que la musique, c'est Chanfort qui l'a apporté comme ça, qui a dit allez hop. Et hop, tac, il vire tout un texte et réécrit autre chose. Hein. Ah oui, mais c'est ça le génie. Parce que ça va être le. Mais quand il flash, il flashait. Hop, tac. Quand il flashait, il flashait. Ouais. C'est le génie. Ouais. Mais au même titre que Julien Clerc avait demandé à Gainsbourg de lui écrire une chanson, puis là, ça pressait, il était en studio. Gainsbourg avait rien écrit, il clopait, puis il buvait. Et puis à un moment donné, il l'enferme dans une salle, puis Gainsbourg appelle Bambou. Puis là, il dit, ah, oh, toi, attention, je te connais comme si je t'avais défait. Et là, Julien Clerc entend ça. Je te connais comme si je t'avais défait. Là, il s'en va voir Gainsbourg. Il dit, hey, ce que tu viens de dire, là, j'aimerais ça que tu mets ça dans une chanson. Et ça fait une chanson. Ah, oh, je te connais comme si. Mais c'était Julien Clerc qui a chanté Bambou en premier ou c'est Chanfort? Ah, non, Julien Clerc n'a rien à voir avec. Non, c'est l'autre histoire. Il passait par là. Ouais, non, mais Gainsbourg a écrit beaucoup pour Julien Clerc. Il a même fait des vidéoclips. Ouais. Ouais, non, mais. Ah, ouais, c'est énorme. Avec Indochine, avec Renaud, avec Lola de Renaud, Morgane de Toi. Oui. Ben, c'est les enfants qui courent à poil, c'est lui qui a fait ça. Troisième sexe de Indochine, c'est lui. C'est lui qui a filmé le clip. Oui, il a fait le clip, et en plus, on le voit sur le rail. Gainsbourg. Ah, ouais? Oui, ben oui, on le voit en plein milieu parce qu'il y a un travelling. Il est là avec sa clope et il fume. Dans toutes les vidéos qu'il fait, on le voit. Sauf dans Lock Song de Jill Birkin, qui est une chanson exceptionnelle. Bah oui. Et c'est le clip est sensationnel pour une raison, c'est que c'est un comment on appelle ça en cinéma, c'est un plan séquence. Ah oui. Un seul plan. Elle se promène dans un genre de château, un plan séquence. Oh. Mais Lock Song, c'est. C'est incroyable. Une chanson. Mais oui, mais cette musique, c'est quoi ce thème classique? La la la la la la. C'est pas Peer Gynt, c'est Grieg. La la la la la la. Mais si, c'est Grieg, c'est dans Peer Gynt. La la la la la la la la la la la la la la la la. C'est un compositeur danois, non, je crois, c'est ça, il me semble. Ah, Peer Gynt, c'est magnifique. C'est là-dedans qu'on trouve. Et aussi. Tout Peer Gynt, c'est magnifique. Si vous pouvez la suite instrumentale, pas la version opéra. Enfin, moi, je Est-ce que c'est sur le même disque? Oui. Jamais su. Oh, mon amour. Mon amour. Tu me rappelles qu'il y a du bonheur. Tu me rappelles un râteau dans le cœur. Tu me rappelles qu'il y aura des jours meilleurs. Tu me rappelles dans une demi-heure. Oh, mon amour, mais quand je désire dire des mots pour te séduire, c'est tout contre ton oreille et dans le plus simple appareil. Pour jouer les flatteurs, tu me rappelles sur mon répondeur. Je te rappelle sans t'imiter, tu me rappelles en illimité. Oh, mon amour. Mon amour. Mais quand je désire dire des mots pour te séduire, entre ton oreille et dans le plus simple appareil. On va dire un petit peu comme, par exemple, Dustling, si vous voulez, pour les... Voilà, je suis un peu nulle, mais voilà, la mythologie germanique, il y a la mythologie nordique. Okay. Et donc, Peregrin, c'est un peu un héros qui va sauver une princesse. Voilà. Et donc, Edvard Grieg a composé cette œuvre pour ça. Et donc, il y a une version avec opéra. D'après ce que j'ai compris, je crois que je l'avais écouté. La version instru est juste magnifique. Et donc, il y a dans le hall du Roi des Montagnes, il s'accélère petit à petit. C'est extraordinaire. Et il y a un DJ, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Qbert aux États-Unis. Qui l'a repris ? Qui fait du scratch, qui a repris le truc. Et quand vous regardez le documentaire Scratch, qui passe toute l'histoire du scratch, tous les DJ qui ont fait du scratch, qui fait naître le scratch, on termine par ce morceau-là. Et c'est extraordinaire. Fabuleux. Si vous avez 3 minutes, vous trouverez sur YouTube, je voudrais vous l'envoyer. Ce documentaire Scratch, qui est extraordinaire. La fin, vous avez tout le hall du roi, dans le hall du Roi des Montagnes de Peregrin de Grieg, remixé. Ah, c'est fabuleux. Bref, sacré Gainsbourg, quoi. Oui, c'est vrai, mais lui avait l'oreille. Il avait l'oreille, qu'avait l'œil, c'est ça qui... Ah bah oui. Oui. Il avait le truc... il attrapait les idées comme un... En permanence, quoi. Ah, j'aimerais bien ça poser des petites questions, voir où ça va nous mener. Ah alors c'est des questions. Questions. Allez, on commence avec Almé. Moi, je vais chercher mon téléphone. Non, mais non, non, bah vas-y. Ah oui, c'est toi. D'accord. C'est toi qui je m'éloigne. Non. Ok. Ah, tu veux que. Tu veux mes écouteurs. Ah non, mais vous pouvez. Non, mais vous pouvez. Non, on va faire ça selon. Ah oui, t'es sûr. Non, tu peux l'écouter, puis il n'y a pas de problème. Si tu étais un liquide. Un liquide. Oui. Je serais de l'eau de Lourdes. de l'eau. Oui, c'est de l'eau miraculeuse. Oh oui, quoi? Du champagne. Du champagne. Oui, c'est pétillant. C'est pétillant, c'est brut, c'est bon. Si tu étais une époque. L'Antiquité. Je voudrais porter des toges, vivre au soleil et prier des multiples dieux qui en fait font plein de bêtises. Oh, génial! Et toi? Si j'étais une époque. Oh, ben, je pense que je serais. Je serais dans les années 70, mais les années 70 un peu rétro-futuriste avec plein de designs complètement futuristes. Probablement au Brésil, tiens, pourquoi pas. Et voilà, cette période un peu comme ça de curiosité architecturale et design et musicale et. Explosive. Ouais, avec des couleurs fantastiques. Si tu étais une ville. Une ville? Oui. Il faut répondre vite. Pardon. Non, on n'a pas ton temps. Tu peux... Il y a tellement de villes que j'aime. Pardon. Franchement, je dirais Paris, parce que pour avoir vécu dans plein d'autres villes, c'est celle qui me branche encore, ouais, après tout ce temps. Et puis, je la trouve à la fois névrosée et drôle, à la fois petite, mais quand même internationale, et ça j'aime beaucoup, mais à taille humaine. Puis il y a un fleuve, j'aime bien les villes où il y a de l'eau, ça me plaît. Puis parce qu'on y mange bien, on y boit bien, et ça c'est tellement important pour moi. Et on y lit beaucoup. Il y a plein d'endroits où s'asseoir avec ton livre, les terrasses de café avec ton carnet, ça me parle bien. Ouais. Et toi, Flore? Saint-Pétersbourg. J'y suis allée en hiver et en été, et c'est magnifique, c'est complètement à la fois, ils ont gardé une espèce de style très luxuriant, très impérial, c'est Pierre le Grand qui est arrivé, allez hop, c'est des marécages, tout ça, vous allez rencontrer des palais à l'époque, des églises orthodoxes et tout, c'est très très très très, très joli. Mais après, il y a un côté un peu plus hardcore, un peu plus no man's land, toute la partie banlieue de Saint-Pétersbourg. On a des grands HLM numérotés, les écoles numérotées. Ce contraste-là, c'est la Russie que je connais, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. J'adore cette ville. Ouais. Surtout quand tu l'as vu, t'es encore plus touché par. Ah ouais. Ouais, c'est très particulier. C'est un truc que j'adore. Si tu étais un membre corporel. Quelle question, c'est génial. Je pense que je serais une main. Je serais une main déjà parce que je pourrais me balader toute seule, comme dans la famille Adams. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. J'adorais ça, la chose, c'était mon personnage préféré. Et puis je pourrais quand même continuer à jouer du piano par-ci par-là. Je pourrais aller tripoter des gens. Ça me convient bien. Je pourrais toucher des trucs. Toucher des trucs. Et toi? Une oreille. Voilà. Bon, peut-être deux, hein, si c'est une possibilité. De... Voilà. Surtout si tu as deux boucles d'oreilles, il faudrait deux oreilles. Oui, c'est plus sympa quand même. Ouais. Voilà. Une belle paire d'oreilles, ouais. Et moi, j'ai deux belles paires d'oreilles. Là. Des lobes protubérants. Voilà. Si tu étais une couleur. J'aimerais bien être le blanc. Je trouve ça. Tu peux projeter des choses dessus. Je trouve ça beau, je trouve ça apaisant à regarder. Puis ça prend des nuances différentes en fonction de la lumière. Ça peut être vaporeux, ça peut être plus dense. Ouais, j'aimerais bien être du blanc. Et toi ? Le bleu turquoise. Le bleu turquoise, c'est entre le bleu et le vert. Et ça me fascine complètement. C'est une couleur qui me fait beaucoup de bien. Il y en a un peu ici. Elle est plutôt claire. Mais j'aime bien cette entre du ciel et de la terre. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Ça, probablement, ça doit me faire ça. La turquoise, c'est une pierre un peu mystérieuse. La pierre de l'intuition. Donc, je ne crois pas. Si tu étais un vêtement, je serais un peignoir de soie. Magnifique. Ouais. Déjà parce que les gens seraient tellement heureux à chaque fois qu'ils me portent. Oui, c'est vrai. Ils me trouveraient tellement douce, tellement raffinée, tellement belle, tellement exceptionnelle. Je serais à la fois le synonyme de détente et de sophistication. Oh, mais quel d'un moment suspendu, tout en élégant. Oh, voilà, je serais ça. C'est magnifique après moi de soi. Voilà. C'est magnifique. Moi, je pourrais chanter la chanson de David Lafort. Tu connais David Lafort? Ah oui. Je suis ta petite culotte de coton. Je suis ta petite culotte. Oui. Non, je ne chanterai pas ça. Je ne serai pas ça. Attention, parce que si mon fils tombe sur l'émission, oulala. Non, ça ne peut pas. Moi, je serai une bonne paire de pantoufles. Une bonne paire de pantoufles. Oui, parce que c'est confortable. Parce qu'on est bien chez soi. Voilà. En buvant une petite tisane, une bonne série ou un bon bouquin. Et hop. Et voilà. Et, voilà. Et du beurre de cacahuète. Et tout va bien. On pourrait être ensemble comme ça. Peignoir de soie et pantoufles. Peignoir de soie et pantoufles. Ah oui. Oh, bah oui, évidemment. Ah, voilà. Restons dans le même placard. Dans le même placard, c'est quand même dire, c'est bon. Si tu étais une saison. L'été, moi j'ai une passion pour l'été. Le soleil. Le bleu du ciel, encore la Grèce, tu vois, le côté antique, le blanc, le bleu, la mer, la Méditerranée, passion méditerranée. Ah oui, nager. Toi aussi? Flâner, ah oui, l'été. Le temps long. Les journées. Et surtout que c'est très court l'été. Hein. Cette impression de suspendu d'avant le début de l'année aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, le soleil, quoi, l'hommage au soleil. Moi, je comprends qu'il y ait autant de civilisations qui soient accro au soleil comme ça. C'est vrai, quand on est allé tout bêtement, comme ça, sur un transat sur la plage, au bord du lit, je sens comme ça le soleil qui. Qui est là, quoi. C'est merveilleux, on a un sentiment pour le coup de confiance, pour le coup d'abandon total. Et je ne sais pas si vous connaissez les vertus du sun gazing. Du sun gazing, ça je ne sais pas si c'est bien. Regarder le soleil, ça c'est génial. Entre les cils comme ça, on peut apercevoir le soleil, fixer un petit peu. Il paraît que c'est très bon pour la santé, pour la glande pinéale et tout. Ah. Si tu étais un aliment. Un aliment ? Burrata. Ah oui. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un des plats les plus réconfortants, les plus doux. Une burrata aux truffes. Ok, oui. Oh, quand même. Oui, parce que c'est encore plus réconfortant. De toute façon, dès qu'il y a de la truffe quelque part, moi je trouve que c'est encore plus réconfortant. Et puis j'aime bien, je trouve ça hyper mignon, cette petite bourse comme ça. Tu vois, c'est à la fois hyper brut parce que c'est juste le produit, mais en même temps, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre une petite ficelle autour pour faire la petite bourse comme ça. Et j'adore ça. Et puis que ça change d'état, quoi. Tu le vois comme ça, et puis tu l'ouvres et tout d'un coup, ça jaillit, ça coule. J'adore. J'aime bien cette idée-là. Je trouve que c'est l'abondance, quoi. Ah oui, tu vois, c'est vrai. Toi? Ben, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, c'est le beurre de cacahuète. J'ai une passion, je l'achète, je le mange comme ça dans le pot, de façon complètement. Je le prépare avec une recette avec du chocolat, des trucs, chocolat noir. J'ai vraiment une passion pour ce truc. Je m'en fais des tartines le matin que je prends dans mon café. Enfin, j'ai vraiment un. Voilà. Et c'est très bon pour la santé. Ah, ça, j'en sais rien. Oui. Si. Elle a les cheveux courts parce qu'on les lui a tirés. Elle se tient bien droite parce qu'on l'a agenouillée. Elle ouvre sa gueule parce qu'on la lui a fermée. Elle se sent légère parce qu'on l'a entravée. Elle sort un peu trop parce qu'on l'a enfermée. Elle boit tes paroles parce qu'on l'a soifée. Parce qu'on l'a tant fait pleurer. Elle donne et pardonne parce qu'on l'a utilisée. Elle met des jolies robes parce qu'on l'a déshabillée. Elle chante comme personne parce qu'elle a trop hurlé. Choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Dans la vie? Oui. Ah, ça, c'est une sacrée question. Moi, je suis tellement obsédée par les vies parallèles, celles qu'on pourrait avoir, celles qu'on vit peut-être dans un autre espace-temps, d'ailleurs. Donc, franchement, j'ai du mal à te répondre parce que je suis contente de ma vie, oui, très. Et il y a aussi, je suis curieuse de toutes les autres vies que j'aurais pu avoir. Donc, si tu me remettais au début de ma vie, je suis pas sûre que je ferais les mêmes choix, en fait. Et je pense que c'est pas grave. Et que j'aurais peut-être une vie différente. Et je pense pas qu'elle serait forcément moins bien ou mieux, mais ce serait autre chose. Oui. Mais même si tu pars avec les mêmes cartes dans la même famille et que il se passe d'autres choses, tu fais d'autres choix, je suis pas sûre que tu arrives au même endroit. Et Ah ben moi, quand je vois mon fils qui a 12 ans maintenant et qui est un gros chouvinou, non, je changerai rien. Même si j'ai ramé avec des cure-dents. Putain. J'ai ramé. Et je continue, mais non, c'est moi. Franchement, je préfère maintenant. En vrai, franchement, c'est une question. Si tu me l'avais posée il y a quelques années, j'aurais pu, parce que j'étais moins installée à plein niveau. Enfin, il y a eu des moments vraiment difficiles, quoi, parce que je l'ai élevée toute seule sous sa naissance en Algérie. Donc, à tout petit, voilà, c'est pas facile. Ah, j'aurais peut-être pu descendre à Bordeaux plus tôt. J'avais des scénarios comme ça qui correspondaient quand même à mon cadre de vie où, pour le coup, je ne me serais pas imaginé d'autres vies, quoi. Voilà. Mais il y a des choix, peut-être que je serais restée moins longtemps sur Paris, peut-être que voilà, je serais partie en banlieue d'abord à Nogent-sur-Marne plus tôt, j'aurais fait des trucs un peu plus, des choix qui soient plus proches de la nature plus tôt. Voilà, ça à la limite, au niveau organisation du cadre de vie, peut-être que j'aurais fait le grand saut, peut-être que je serais partie en Ardèche chez des hippies, enfin des hippies, ça se parle, des gens qui font de la permaculture, tout ça machin, peut-être que je me serais dit, allez, on y va. Mais je ne pouvais pas savoir, parce que je croyais qu'il fallait rester sur Paris. J'ai arrivé dans la musique et puis en fait je suis arrivée de façon très très alternative et indépendante. Et puis avec des éditeurs qui sont en Allemagne, donc j'aurais pu faire ça en Ardèche. Peu importe, on s'en fout. Mais bon voilà, c'est des trucs à posteriori, je me dis c'est un peu couillon, je suis peut-être un peu restée longtemps pour rien. Enfin, bon, voilà. Mais pour le reste, non, je suis prête. La prochaine question, vous allez l'aimer, si tu étais une chanson. Chanson sur ma drôle de vie. Oui. Ouais. Ah ouais. De Véronique Sanson. Ouais. Ouais. Et toi? Que sera. Ah oui. Avec Doris Day. T'as-tu entendu la version techno? Non. Ok. Ah, tu l'enverras. Ouais, je vais essayer de la retrouver. Ah ouais. Ça existait, j'aimerais bien aussi. Ouais. Ouais. C'est très très bien. C'est très très bien. Ah génial. Si tu étais un mot. Un mot? Génial! Je le dis très souvent génial, je le dis comme ça. Génial! Génial! Ah, génial! C'est vrai que je le dis beaucoup, donc. Merveilleux! Ah, ben oui! C'est bien! Et bien voilà, c'était mes petits. C'était le mot de la fin? Ben oui, pas le mot de la fin, mais le mot de la fin c'était. Mais je l'ai décalé parce que je me suis dit que c'est comme un spectacle, à un moment donné, les chansons, il faut les changer. C'est, la dernière question, c'est à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Je trouve que ça conclut bien. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Mais j'ai dit, on va changer. on va modifier un peu le truc. Parce que je me dis, à long terme, le public sait très bien que les questions viennent et, oui. Et ils connaissent l'ordre. On a diversifié le tout. Alors là, toi, tu vas faire un album? Ah ben là, j'en ai sorti un en janvier qui s'appelle Les Chansons Naïves. Que je vais liver tant que faire se peut, parce que quand même c'est plutôt chouette aussi. Mais effectivement j'ai commencé à préparer le suivant. D'ailleurs je pourrais dire que les maquettes sont quasiment finies, ah mais ouais. Oui, mais en même temps je suis même pas sûre, parce que peut-être je vais en rajouter d'ici là, je vais peut-être en enlever. Je vais orchestrer un peu tout ça, je vais vraiment chiader le truc, vraiment nickel chrome. À l'endroit où tu t'en vas, as-tu un espace pour créer, as-tu un studio C'est mon ordinateur et mon clavier MIDI. Ok. Puis pour la voix, c'est quoi? C'est l'ordinateur? Eh bien, la voix, c'est un petit micro. Mais par contre, quand il faut tout mettre en boîte et tout, là, par contre, oui, je pars en studio. Ok, mais tu fais tout avec ton ordinateur, même la voix? Ah, ben, les maquettes, oui. Mais en studio, après, Oui. Je m'enregistre, enfin, je passe par du bon avec du bon matos, avec. Aimerais-tu éventuellement avoir un studio maison? Ah, j'adorerais. Ouais. Ah, ça, c'est super, ça. Ouais. Avoir son studio, avoir des synthés à 100 000 balles, ouais. Avoir des machines, des compresseurs, des reverbs. Vrai matos analogique, quoi, il n'y a rien de tel. Hein. Moi je travaille en numérique par faute de moyens en fait. Est-ce que tu travailles on ne te voit pas souvent sur scène depuis quelques temps? Ben oui, c'est ça aussi que d'avoir un enfant. sais. Enfin, ça a été un peu... Ouais. Et est-ce que le studio te satisfait autant que la scène? Le contact avec le public n'est pas là? Ah ben, j'adore les deux. J'adore les deux. Le studio, il y a une petite pression, faut pas se rater. Enfin, faut pas se rater éternellement, quoi. On fait 35 pistes, au bout de la 36e, on se dit, on a un crash plus. Faut y aller, là. Ouais. C'est bon, là. Arrête de... On n'est pas là pour enfiler des perles. Et le live, c'est plein de bonnes surprises rigolotes. Il y a un truc, il y a... La technique flanche, il faut continuer. Ouais. Il y a quelqu'un qui va dire un truc. Ah, non, mais justement! ce genre de... Là, pour le coup, il faut rebondir. Là, je trouve que la scène, ça rapproche un peu des activités socioculturelles. C'est-à-dire vraiment rentrer dans une fréquence avec les gens qui est très, très nature. Et hop, il se passe un truc. Puis à un moment, hop, on revient dans le rôle du conteur ou de la conteuse. Ah ouais. Il y a un va-et-vient assez... C'est que ça te faisait ça, le colère en bras. Ce côté, ah bah maintenant, c'est reparti mon kiki, on raconte un truc. Puis à un moment, entre deux chansons, on se lâche. Ouais, on se connaît quoi, avec les gens. C'est génial, j'adore. Et toi, lorsque tu fais une chanson, à quel moment tu sais que c'est terminé, qu'on ne rajoutera plus... d'instruments? Franchement, je le sais jamais. Là, il y a même des chansons qui sont finies, j'ai envie de les redéfaire et de rechanger des choses. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais satisfaite? Non. Dans la vie, tu es comme ça? Tu es exigeante pour toi aussi? J'avoue. Pourquoi c'est pas une gêne? J'avoue. Elle pleure, elle dit oui. Je comprends. Et parce qu'aussi on change, donc mais forcément, tu sors du studio, le lendemain tu te dis « Ah mais je l'aurais pas fait pareil ah !» ouais. Et là il y a des titres dont je te parle, je les ai fait avant le Covid. Tu vois, ma voix elle a évidemment énormément changé, surtout que j'ai beaucoup chanté, j'ai fait de la scène depuis. Aujourd'hui, parfois je me dis « Mais pourtant les titres sont mixés, masterisés, je me dis « Mais en fait, je devrais refaire les voix. » Ah ça, la question des voix. Est-ce que tes 5 chansons sont disponibles sur YouTube? Là, il y en a 5 qui sont disponibles sur YouTube et Spotify. Je t'enverrai les liens. Si ah oui, ben oui, ok. Et je vais aller voir tout à l'heure. Tu as une petite carte ou quelque chose? Oui. Je vais peut-être te rajouter. Et à quel moment, c'est ça, tu n'es jamais satisfaite de ce que tu fais? Je me demande pourquoi tu es timide de ça. Okay. Et puis toi, à quel moment tu... Ben, c'est fugace la satisfaction, on va être content une heure et puis effectivement, après on dit bon, ça c'est bon, ok, mais voilà, il y a un côté un peu globe-trotteur, je pense, je sais pas, bon allez, ok, on est bien profité de cet endroit, voyageons, allons voir autre chose, allons voir d'autres paysages, etc. Je suis d'accord avec toi, c'est fugace. Il y a un moment, tu vas être super satisfait et puis... Après, ça dépend de ton humeur aussi. Tu te réveilles le matin, tu n'es pas aussi disponible que la veille. Ah ben c'est sûr qu'il y a avant et après le café. Oui, c'est ça. Voilà, moi si j'écoute mes enregistrements de voix avant mon café... Faut pas faire ça. Oh my God. Ça, c'est trop dangereux. Est-ce que tu as déjà... parce que là, tu prépares un album. As-tu déjà trouvé les titres, le classement des titres sur ton album? Parce que c'est très, très compliqué, surtout quand c'est un album instrumental, dans ton cas, on va y revenir. Mais toi, as-tu déjà une idée de... J'ai fait plusieurs tracklists différentes déjà. Okay. Et en fait, aussi quand je fais du live, je fais des setlists. Donc ça me permet aussi de les ordonner et de voir ce qui fonctionne ou pas. Mais non, j'ai pas encore arrêté ça. J'ai du mal à arrêter les choses. J'aime bien que ça reste un work in progress, mais bon, parfois il faut s'arrêter. Terminer. Oui, mettre le point final. Voilà. Oui. Mais est-ce que tu les fais sur scène avant de les faire sur disque ou si c'est l'inverse? Oui. Ça dépend, mais là, il y a beaucoup de chansons qui ont d'abord existé sur le disque et qui ont ensuite existé sur scène. Qui ont existé sur scène que en piano-voix. Après, elles ont été arrangées. Et ensuite, elles ont réexisté, et on les a enregistrées, et ensuite, elles ont réexisté sur scène dans une nouvelle version, tu vois, avec la batterie, avec des boucles, avec plein d'autres choses. Mais est-ce que tu sens la différence entre une chanson qui a déjà été jouée sur scène et en disque, et celle qui a été en disque puis jouée sur scène? Énormément. C'est pour ça que tu préfères faire de la scène avant pour les tester? Ouais, maintenant, je pense que j'essaierai d'en faire un maximum. Mais... Même si après, souvent, tes tournées, elles sont pour la sortie de ton album. Donc, t'es quand même un peu obligé d'enregistrer avant. Mais au moins, les tester dans des petits endroits et les faire tourner, ne serait-ce que pour soi-même être dans un, peut-être dans un autre état avec tes chansons. T'as déjà fait un morceau de chemin ensemble. Sinon, avant, c'est un peu du speed dating, quoi. Ouais. Tu te rencontres à peine et ça y est, il faut enregistrer. Déjà, t'es dans le studio. C'est genre, déjà, on te met au lit alors que tu t'as même pas bu ta coupe de champagne, tu vois. Là, au moins, t'as le temps, tu vois. Tu te balades, tu fais un petit week-end, tu vois. Là, je trouve que c'est bien de se rencontrer avec la chanson avant de figer le truc. Est-ce que ça peut être modifié, le texte, est-ce que ça peut être modifié une fois que ça a été indiqué quand même, ou si tu veux garder la même structure, les mêmes phrases, les mêmes mots? Une fois que c'est indiqué, les paroles restent les mêmes, c'est ça? Est-ce qu'on disait autre chose? Non, je ne sais pas si ça va, merci. Ça fait d'accord. Non, merci. Bon, à 20h, ouais, on a un restaurant. Oui. Quelle heure il est, là? Oui. Il est quelle heure? Oh, je sais pas. Est-ce que moi, je dois absolument rentrer? Il est 19h27. Est-ce que tu reconnais mon écriture? Rénal, Québec, à Topmail. Ouais, c'est Topmail.com. Oui, c'est bon. Oui, R-A-Y-N-A-L-D. Ok, ouais, parce que j'ai une qui voilà. Oups, je fais des bêtises. Je fais tout tomber. Attends, oh, attends, bichou. Ouais, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, avant de nous, on se fait. Génial. Qu'est-ce que je veux vous... Non, là, c'est moi qui fais. Ah, merci, Rénal. Ça se termine raide, hein? Ça se termine un peu. Thank you.